286e chapitre. Les djembs. Quand le jour parut, les aviateurs ne purent réprimer un mouvement d'effroi. Ils se trouvaient sur une plateforme circulaire. Autour d'eux, c'était le vide. « Brrr !» fit Fabien. « Il était temps. Un peu plus nous roulions dans l'abîme. C'est égal. Nous pouvons dire que nous avons une rude chance. Seulement, ce n'est pas tout. Il faudra repartir d'ici. »« Oui. » murmura M. Voirin. « Ce ne sera pas une chose facile. Enfin, espérons que le hasard nous favorisera une fois encore. » Grondard et Francis avaient solidement calé l'aéroplane au moyen de quartiers de roc, et le mécanicien commençait à réparer quand des cris étranges retentirent au-dessous des aviateurs. « Bon, » dit Fabien, « il ne manquait plus que ça. Ce serait le comble maintenant si nous étions attaqués. » Le Parisien s'était mis à plat ventre au bord de l'abîme et regardait au-dessous de lui. « Que voyez-vous ? » demanda M. Voirin. « J'aperçois des hommes vêtus de peau de bête qui se trouvent sur un rocher. On dirait qu'ils nous appellent. » L'ingénieur regarda à son tour. « Ces gens, dit-il au bout d'un instant, n'ont pas l'air de nous être hostiles. Qui sait ? » fit le Parisien. « Moi, maintenant, je me méfie de tout le monde. » Les hommes continuaient à crier, à faire des signes. Bientôt, ils furent très nombreux. Il y avait parmi eux des femmes et des enfants. « Tiens, » dit tout à coup Fabien, « ils ont trouvé un chemin pour monter jusqu'ici. Voici qu'ils viennent nous rendre visite. Tenons-nous prêts à les recevoir, » fit l'ingénieur. « Ils ne nous veulent peut-être aucun mal, mais enfin, il est plus prudent de se méfier. » Au bout de quelques instants, une tête, puis deux, puis trois se montrèrent au niveau de la plateforme. Des corps émergèrent, et des hommes qui ressemblaient à des ours avec leurs vêtements de peau de bête se dressèrent à quelques mètres des aviateurs. « Ils n'ont pas d'armes, » dit Fabien. « Et puis, on dirait qu'ils nous souhaitent la bienvenue. » En effet, les djembs, car c'était eux, s'avançaient, les chines courbées, les mains en avant. M. Voirin se porta au-devant d'eux après avoir dit à Fabien « Surveillez-les, et si vous voyez qu'ils ont de mauvaises intentions, tirez !» Les djembs n'étaient point de méchantes gens. L'un d'eux adressa la parole à M. Voirin en un anglais défectueux que l'ingénieur comprit quand même. « Soyez les bienvenus, » lui dit un homme qui paraissait être le chef, et il tendit la main à l'ingénieur. La glace était rompue. Les djembs s'approchèrent de l'aéroplane qu'ils regardèrent longuement. Puis le chef demanda « Vous venez de loin ?»« De France !» répondit M. Voirin. L'homme parut réfléchir, puis murmura « C'est bien loin, la France. Pour venir jusqu'ici, vous avez fait beaucoup de chemin. » « Nous avions entendu parler à la ville de ces oiseaux qui volent plus haut que les aigles, mais nous n'en avions pas encore vu. » Nous ne pensions pas avoir un jour le plaisir d'être visités par ces géants de l'air. L'homme s'exprimait assez bien. Il avait dû recevoir une certaine instruction, car il comprenait très vite les détails que lui donnait M. Voirin. Il tournait autour de l'aéro avec curiosité et posait parfois des questions. Quand il fut satisfait, il expliqua à ceux qui l'entouraient le fonctionnement de l'appareil et les djembs parurent émerveillés. Quelques instants après, les braves montagnards apportaient aux aviateurs des provisions de toutes sortes, auxquelles M. Voirin et ses compagnons firent honneur. Comme boisson, les djembs leur servirent une sorte de bière qu'ils appelaient quass et qui mérite quelques lignes de description. Cette boisson, qui est en usage en Russie, l'est aussi dans certaines régions de l'Amérique du Nord. Dans les villes comme dans les campagnes, les paysans préparent eux-mêmes cette boisson fermentée. Ils prennent un pound 16 kg de seigle et un demi-pound 8 kg d'orge ou d'avoine qu'ils ont fait germer et ensuite fait sécher au four. Ils écrasent grossièrement dans un mortier ce mélange de graines qui est un véritable malt. Ensuite, ils jettent le grain concassé dans un tonneau dont le fond est garni d'une couche de paille, et ils ajoutent une fois et demie son poids d'eau chauffé à environ plus 50 degrés. Il mélange le tout, de manière à faire ce que l'on appelle dans les brasseries françaises l'empâtage, en Belgique le démêlage et en Allemagne la salade. Ils ajoutent ensuite, en continuant à agiter le mélange, la quantité d'eau bouillante nécessaire pour amener la température de la cuvée à plus 70 degrés environ, température qu'ils apprécient en y plongeant la main. On continue d'ajouter l'eau bouillante à 5 reprises et d'heure en heure. On laisse alors le tout en repos pendant 5 ou 6 heures. Alors on soutire le liquide et on le reçoit dans un tonneau. Il ne tarde pas à fermenter sans avoir reçu d'ailleurs aucune levure. On peut boire le kwass après 8 jours de fermentation. La quantité d'eau employée doit être telle qu'avec les proportions de seigle et d'orge que nous avons citées, un pout de seigle, un demi-pout d'orge, on obtienne 10 védras, 123 kg, de kwass. Supposez que l'on ajoute du houblon au moût de kwass, c'est-à-dire au liquide obtenu par l'infusion de graines de seigle et d'orge, et qu'on fasse cuire le moût avec ce houblon, on aura l'analogue des bières belges et qui sont, comme on sait, des bières fromentacées fermentant sans levure. Privé du houblon qui communique à la bière la vertu de résister à la fermentation acide, le kwass est une boisson très altérable. Il faut le consommer peu de jours après sa préparation complète. Le kwass ne se prépare pas seulement chez les particuliers. De grandes fabriques le livrent au public. Ces fabriques opèrent d'ailleurs de la même manière que les particuliers. Seulement, au lieu du tonneau garni d'un lit de paille à son fond, elles emploient la cuve matière de nos brasseurs. Il faut ajouter cependant que les fabricants de kwass ont profondément modifié leur procédé. Ils opèrent aujourd'hui de la manière suivante. Ils prennent parties égales d'orge, de froment et d'avoine, et quelquefois parties égales de seigle et d'avoine seulement, germées et séchées, c'est-à-dire à l'état de malt. Ils pratiquent l'empâtage et l'infusion dans une cuve matière en opérant par décoction et brassant vivement à chaque addition d'eau. Le moût que l'on obtient, après plusieurs décoctions, est reçu dans une chaudière à cuire, semblable à celle des brasseries, et l'on fait bouillir le moût avec le houblon que l'on remplace quelquefois par des bourgeons de sapin ou des baies de genièvre. Le liquide étant refroidi, on le reçoit dans des tonneaux, préalablement soufrés. On l'abandonne à lui-même sans aucune addition de levure et en le maintenant dans un endroit frais. Il subit alors une sorte de fermentation basse qui dure environ 2 mois. Au bout de ce temps seulement, le kwass est bon à consommer. D'autres fabricants ajoutent de la levure au moût refroidi et alors la fermentation ne dure que 8 à 10 jours. Le produit peut être bu immédiatement. On voit que le kwass ainsi préparé a dégénéré de son antique origine. L'addition du houblon et de la levure le fait rentrer dans la catégorie des bières.